mă vreau pasemă ca frisăne. Paso camă și cafemă în revere. C'est vrai ou pas du genre, à Timou bonjour. Yo même dis-moi mais pour vous alors. Oh là j'avais une fou. J'amore non poco rivere. Voyez-vous côté en moi, te fais-moi frémir. Imaginez tout ça qu'a fait moi. Why, qu'a fait moi aller. Tout sens. Si moi qu'allez ça, écoutez.